Aurélie. Oui, bonsoir. Oui, Aurélie. Bonsoir. Non mais c'est bon, pour l'instant je pour l'instant. Alors attendez, la radio, éteignez la radio, éteignez toutes vos radios s'il vous plaît, sinon ça va pas. Ça y est, ça y est. Merci, merci. On va accueillir Rose. Bonsoir. Bonsoir. On va accueillir Malika. Malika une fois. Ouais, salut Gérard. Bonsoir. Ça va ? On va j'ai pas regardé ce matin. Toujours aussi. Ouais, bah d'accord. Alors Nico et Anthony. Non, devant ton micro Gérard, toujours. Donc Nico. Oui. Salut Gérard. Ouais, déjà je t'ai reconnu. Non, attends, j'ai pas eu de avec toi. Oh, déjà, devant ton micro, prends ta feuille dans les mains et parle devant, c'est plus. Et déjà, tu as baissé ton son qu'il y a derrière parce que c'est pourri. Moi ? Tu as déjà baissé. Attends, merde. Voilà, là ça va déjà un peu mieux. Non mais éteignez la radio complètement derrière les enfants. Hein. Je t'emmerde. Et les téléphones sont filés. Mais comment il parle lui ? Attends, je t'emmerde. Toi, tu vas casser, toi. Attends, déjà tu vas pas commencer. Doucement. Non mais déjà le mec qui vient de dire je t'emmerde. Le mec qui vient de me dire je t'emmerde. Ouais, bah, c'est pas la peine. Il faut qu'il se calme hein, quand même là parce que sinon Oui, hein. Il va casser. Sinon ça va casser ouais. Oui, bon. Ça va casser ouais. On termine Anthony. Bonsoir. Anthony. Bonsoir. Anthony, je t'aime. Anthony, s'il te plaît. Bonsoir, tu réponds. Bon. Ouais. C'est Anthony. Ouais, super. Salut Anthony. Ouais, ça va bien, ouais. Ah, c'est super. Ça va super bien. Ça commence déjà un peu mal, hein. Ouais, ça commence... Faudrait calmer tout ça, là. Bon, alors, si tu m'emmerdes, tu dégages. Déjà, pour commencer, le mec qui me dit « je t'emmerde », tu dégages. C'est comme ça va être vite. Ça va être vite fait, bien fait. C'est clair. Tu dégages. Et moi, Gérard, tu m'as oublié ? Et Albert, pour finir. Bonsoir, Gérard. Bonsoir. Gérard, tu m'as oublié ? Bonsoir, Albert. Qui j'ai oublié ? Nicolas. Attends, je viens de dire Nico, ok ? Bah ouais, bah c'est pas Nico, c'est Nicolas alors. Ouais, bah non, Gérard, je l'appelle pas Gégé, ouais, alors bon. Voilà. Que mon tatou, je l'emmène pas en vacances, Nicolas Nus. Alors déjà, vous avez vous calmer les trois chums, hein. Voilà, bon, alors, moi je vais vous laisser, je vous laisse le débat, je vais écouter, j'espère que ça va aller doucement au début, que ça va monter crescendo au fur et à mesure du débat, et vous allez pas me faire comme les derniers débats où ça a été de l'apocalypse dès les premières secondes. Au revoir, Max. Parce que bon amour, Max. Bah, de toute manière, avant non, mais je suis dans le coin, si ça se passe mal, je déjà, serai là pour... Max, on n'aura pas besoin de toi, Max. Non, mais vous n'avez pas besoin... Attendez. Qui est là pour me dire ça ? Malika. Ouais, Malika, ouais, on verra. Malika. Pour l'instant, non, vous mais allez Max, vous servir. Toujours besoin de lui vous parce allez, que. Vous ouais, allez là, vous servir. Gérard, tu la fermes deux secondes enfin, entre nous là. Hein. Non, mais attends, pour l'instant, c'est pas toi qui commande, c'est moi. Mais non. Gérard, tu permets, on parle à Max. Max, bon. Il met pas les dents, c'est pas comme Gérard, c'est alors. Alors, toi, Nico, déjà, tu dégages, t'as un téléphone pour toi. Bonne nuit. Bonne nuit, Nicolas. Bonne nuit, Nicolas. C'est pas Nico. Ouais, ciao. C'est pas moi. Ouais, ben, je m'en fous. Téléphone portable, j'en veux pas dans des débats. Mais c'est pas important déjà, que j'ai... Commencer... Mais t'énerve pas. Bon, je vais poser la première question à la place non, de Gérard. Non. La ferme. Vas-y, Gérard. Mais pourquoi est-ce que les vacances de toute manière, à peu près ? Alors, stop ! Laisse parler, Gérard. Déjà, la première question, vous allez y réfléchir. Déjà, le débat, c'est... On va cogiter. Que pensez-vous des vacances ? C'est la première question. On va vous mettre Ricky Martins pour vous mettre un peu dans l'ambiance. C'est parti. Mais Ricky Martin, Et voilà, vous venez d'écouter Ricard Martins avec Undo Stress, et donc c'est Gérard, donc vous pouvez continuer d'appeler au 0870 5000 ou 0800 370 5000 ou sinon sur Minitel 3615 code Fun Radio rubrique direct. Oula. Donc c'est les débats de Gérard, donc le premier débat c'est sur les vacances, donc on va recueillir Aurélie. Et Gérard a le Minitel devant les yeux aussi. Oui, oui. J'ai le Minitel devant les yeux, donc... Et le micro dans le cul. C'est bien, tu restes poli, s'il te plaît, parce que... Ok, trop de balle. Tu vas casser. Non, mais vous restez... Gérard, c'est pas Ricard Martin, hein. C'est Princesse Erika Martins. Non, c'est Ricky Martins. Alors déjà, vous... Toi, tu dégages. Non, mais vous restez poli, s'il vous plaît. Ok, super, Gérard. Ouais. Tu vas faire. Gérard, non, Anthony, mais... est-ce que tu pourras me dédicacer Princesse Erika Martins, s'il te plaît ? De quoi ? Est-ce que tu pourras me dédicacer Princesse Erika Martins ? Non, négatif. Bon, d'accord. On va accueillir Aurélie, ouais, Rose, salut. Malika, salut. Nico, Anthony oui. et Albert. Bonsoir. Alors, la première question, je pense que vous avez eu le temps de réfléchir. On a fait ça. Non, mais c'est bon, vous n'allez pas me prendre pour... Bah, tu peux la répéter quand même. Pas pour alors, première vacances. Question, pourquoi est-ce que les vacances, de toute manière, à peu près? Non, c'est que pensez-vous des vacances? Alors, déjà, celui qui pose la question à ma place, tu vas te calmer. D'accord. La question, bien intéressante. Voilà. Alors, que pensez-vous des vacances, Aurélie? Pas grand-chose. C'est-à-dire? Rien du tout, en fait. Voilà. Mais pourquoi? Pourquoi? Parce que les vacances, c'est bien, mais c'est pas bien, c'est tout. Mais pour quelle raison que c'est bien et c'est pas bien, pourquoi? Les vacances, c'est bien quand tu pars à l'étranger, c'est pas bien quand tu restes en France. Ouais, pourquoi tu peux très bien t'éclater en France? Tout dépend où tu es, tout dépend où tu vas. Ouais, c'est clair. Ouais, mais moi je dis que je m'emmerde en France. Même sur Paris, je sais pas où aller. Il y a des boîtes sympas en France, t'emmerdes aussi à l'étranger, quoi. C'est non, pareil. Non, bah, il y a des boîtes sympas sur Paris, comme stop, la Loco. Stop, même les Japonais qui viennent maintenant. Stop! Nico et Anthony et Albert, vous allez vous calmer un petit peu, s'il vous plaît. Vous allez vous calmer. Mais non, mais celle, elle m'énerve. Vous allez vous calmer. Ok, d'accord, excuse-moi. La Loco, c'est un peu un parc d'attractions. Bon, tu la fermes. Les toilettes, surtout. Bon. Non, moi, je voudrais dire que les vacances, en fait, c'est plus agréable. On a plus de temps pour aller à la Loco. Et pour s'éclater dans les chiottes, quoi. Gérard. T'es pas d'accord, Gérard? Non, bon, là, c'est Nicolas qui parle. Moi, je tiens à dire, vous êtes pas très sympa, Gérard. Déjà, Gérard, là, il interrompt ses vacances pour venir faire une émission spéciale. Ouais. Et vous d'entrée, qu'est-ce qu'il faut pas faire pour faire sucer la bite quand même? Moi j'ai respecté le quoi un peu. Bon. Tu as déjà vous avez aucun mais parce que c'est pas vous que je pose la question, c'est maintenant je vais poser. Qu'est-ce qu'on fait là alors? Qu'est-ce que vous faites c'est, là? C'est à qui tu la poses la question sans gêne, tu nous le dis quoi? Parce que vous commencez déjà par sur des sujets qui me plaisent pas trop. Ouais, mais on parle des vacances, hein. Non, mais attendez, il y a vacances et vacances, on parle pas. Non, il y a vacances et vacances, explique-moi les deux choses. Non, il y a vacances et travail, quoi. Ouais, non, mais faudrait peut-être éviter aussi l'histoire de la locomotive, d'accord? Pourquoi? Parce que là-dedans, il n'y a rien du tout. Ok, c'est clair et net. Non, en fait, Gérard, il veut pas c'est clair et net, à la Loco, il n'y a jamais rien eu. Alors, vous arrêtez avec cette histoire de Loco, il n'y a jamais rien eu. Ok, point final à la ligne. Ouais, t'as raison, Gérard, putain. Non, mais c'est vrai. On dit pas putain, on dit moment de travail déjà pour commencer. Exactement. Ok. Gérard, comment t'expliques toutes les cicatrices sur la bite atonique? Ouais, ben, dans ce cas-là, t'attendras ton tour. Maintenant, on va... C'est vraiment un imbécile, celui qui est en train de parler, là, mais grave. Ouais, ben... Bon, Rose. Oui. Rose. Bonsoir, Gérard. Rebonsoir. Donc, je te repose la même question. Que penses-tu des vacances? Bah écoute, les vacances, ça dépend. Parce que comme tu disais tout à l'heure, il y a vacances et vacances. Mmh. Et moi, personnellement, ce que je pense des vacances, ça dépend où je vais, avec qui je vais. Ouais. Surtout avec qui. Parce que c'est pas quand tu pars comme ça... Ouais, mais attends, Rose. Oui. Rose, je comprends pas trop. J'arrive. Ouais, explique-toi, parce que là, j'ai du mal à te suivre. Hein. Bon, alors écoute-moi. Oui, ouais, je t'écoute. Hein. Donc je disais, il y a vacances et vacances. Moi, personnellement, les vacances, j'aime pas trop parce que je me fais chier, parce que je m'en vais jamais avec les bonnes personnes. Oui. Donc voilà, en gros, ce que je pense des vacances. C'est pour ça que je te disais, il y a vacances et vacances. Ok, super. Ouais, bon. Ouais. Je vois pas trop le rapport, parce que moi, je vais dire une chose, pour l'instant, moi, ça fait plus de 4 ans que je suis pas parti en vacances. Ouais. T'es sûr que j'avais même plutôt 4 ans que t'es en vacances? ça te regarde pas, si ça fait 4 ans ou pas que je suis pas parti en vacances, ou si je pars en vacances, ou si je suis en vacances, d'accord? Ça, c'est pas ton problème, d'accord? C'est le mien. Ça c'est mon problème, d'accord? Personnel. Voilà. Donc, pour revenir à ta question, Rose. Ouais. Bon, tu dis que t'aimes pas partir ou tu veux pas partir, c'est ça apparemment? Non, c'est pas ça. C'est qu'il faut déjà pouvoir partir. Ouais. Elle aime bien partir avec les bonnes personnes. Et puis, j'aime bien partir avec les bonnes personnes et en général, je les trouve jamais. Donc c'est pour ça que les vacances. Si tu veux, ça fait longtemps. Mais tu prépares l'avance. Non, mais de toute manière, il y a certaines personnes qui vous posent des lapins en dernière minute. Voilà, je pensais à ça justement. Mais tu pars toute seule. Voilà, pars toute seule, puis tu fais connaissance sur place. Ah ouais, mais partir toute seule, j'aime pas trop. Bah, faudrait faire si, c'est bien. Non, mais attends, non, mais attends, attendez, parce que là, faire des connaissances sur place, c'est pas évident. Moi, je vous le. Pour une nana. C'est très difficile pour une nana. Non, à mon avis, je pense pas. Hein. Je pense pas, des fois, au standard, on pouvait avoir peut-être un petit avis de la standardiste savoir si des fois. Elle avait eu des rencontres bizarroïdes ou pas, ou si elle est partie seule, non. Elle a déjà fait ta rencontre. Non, la caille. Pas de vacances. Part pas en vacances, donc vous voyez. Olivier de la Pro, pareil. Ouais, pareil. Moi, pareil, donc vous voyez, donc ça va être dur, hein. Bon. Gérard, pourquoi est-ce que tu n'emmènerais pas Julie en vacances? Ah bah attendez, ça, faut que déjà Julie soit d'accord pour que je parte avec elle. Attendez, Julie en plus, c'est clair que ça doit être avec Gérard. Attendez, on va demander quand même à Malika de répondre sur la première question. Moi j'aime bien les vacances. Ouais, mais dans quel sens? Bah comme celle qui a répondu avant, faut partir avec les bonnes personnes. Ok, super. Ouais, d'accord, tu réponds à la question, hein, Rose? Exactement. Ouais, d'accord, tout à fait, directement, hein. Ok, bon. Mais partir tout seul, c'est bien aussi. Ah, ouais, ça dépend. Non, mais de toute manière, faut mieux être seul que mal accompagné. Ouais, hein, ouais, des fois, on n'a pas le choix. Exactement. Gérard est toujours tout seul, d'ailleurs. Des fois, on n'a pas le choix, hein, Gérard. De quoi qu'est-ce que tu disais, Olivier? Non, je t'ai dit. Non, mais de quoi? Juste que t'étais mal accompagné. Ouais, bah, de toute manière, faut être seul que mal accompagné pour partir en vacances. Ouais. La seule chose qu'il faut mieux faire, c'est partir seul et puis faire des rencontres sur place. Bah, tu dois avoir l'habitude, Gérard, de partir seul. Donc, Nico, pour conclure sur la première, parce qu'il y a quand même deux débats à faire et donc je voudrais qu'on avance un peu. Ben, moi, je pense que les vacances, c'est bien, quoi. Même si qu'on parte à l'étranger ou qu'on reste en France, je pense que c'est bien, même pour quelqu'un qui n'a pas de thune et qui reste chez lui. De toute façon, il peut se lever à midi, quoi, et à la limite, s'il n'a pas d'argent pour sortir, il peut toujours lire. Enfin bref, tant que tu ne travailles pas, je pense que c'est bien, quoi. Ouais, tant que tu ne travailles pas et que tu es payé, je pense que c'est bien. Non, mais attends, Nico, là, tu es complètement là, à la plage. Exactement, c'est pas travailler. Mais que pensez-vous des vacances, Nico? Punaise, t'es carrément à côté de la plaque, là. Bah non, je trouve ça génial, mais les vacances. Mais non, c'est pas du tout le truc de la question. C'est pas le terme du débat. Moi, Gérard, moi c'est Anthony. Moi, ouais. je suis pour la journée de vacances à 24 heures. C'est-à-dire 24 heures de vacances par jour, si c'est possible, hein, si on peut voter ça. Moi, je dis que 16 heures, c'est quand même 8 heures pour dormir, quoi. Mais non, on dort pas, parce que comme ça, c'est les 8 heures, c'est en congé payé, si tu veux. Bah oui, mais bon. Donc, voilà, on rattrape. Ah, il y a Soleil qui dit Julie, je t'emmène en vacances, Julie, je t'aime. Voilà. C'est pas à toi qu'on dirait ça, Gérard. Ouais, non, malheureusement. Donc, Albert. Gérard, je te fous dans la cave et je t'aime pas. Bon, bah d'accord, ok, bon, c'est bien. Donc, on va passer à la deuxième question. C'est très gentil. Ouais, c'est vrai, c'est pas sympa ce qu'il a dit, Anthony. Ouais, bah, c'est pas grave, de toute manière, je suis habitué maintenant. Hein. D'accord, parce que j'ai à peu près. Bon, vas-y, Gérard, okay, la bon, deuxième question. Vas-y. Donc, où êtes-vous parti en vacances? Alors, on va commencer par les cums, tiens. Albert. Ouais, ben moi je suis pas parti. Bah t'es pas parti? Non, je me casse dans pas longtemps. Et tu pars où? Je vais dans un petit patelin de merde à côté de Monaco. C'est-à-dire? Menton, ouais. Menton, à côté de Monaco, à Menton, ok. Bah oui. Anthony? Bah je pars pas, je travaille. D'accord. Nico? Ouais, je pars à Toulon, moi. Tu pars à Toulon? Ouais, pour un jour, Nicolas. Pardon? Oui. Oh, rien. Bon, d'accord, vous verrez ça à la fin du débat. Bah, vous écrirez. Ouais, on s'écrit, ouais. Y'a pas de problème. Je t'envoie une carte postale, Gérard. Ouais, ben, si tu veux, t'envoies ça à peu une radio, ça sera aussi bien. Ouais. Malika, pour continuer. Non, moi, je pars pas. Merci, chef. Gérard, continue. Non, Malika. Malika. Malika, tu pars où en vacances? Malika, partez pas, t'es sourd ou quoi? Qu'est-ce qui t'a fait, ton chef? Non, c'est rien, bon. Allez, raconte-nous, Gérard. On n'est pas là pour voir, nous. Raconte-nous. Bah, c'est bon, ça y est, c'est terminé. Allez, hop, on en parle plus. Rose. Oui. T'es parti où en vacances, toi? Moi, je pars pas. Tu pars pas? Non. Bah, tiens, pour changer. Et Aurélie? À l'île de Ré. Oh. À l'île de Ré. Ok. Ouais. C'est bien. Eh ben, moi, je vais vous dire une chose, que moi, les vacances, je les fais entre Montigny-le-Bretonneux et Suresnes. Voilà. Et Neuilly. Voilà. Non, et Neuilly, non, parce que... Bah, t'es où, là? Ben, je suis à la radio, et bon... Eh ben, c'est où, la radio? C'est où, la radio, Gérard? Bon, alors... Espèce de teubé, va. Alors, une question. Ça va s'adresser, là, vous allez réfléchir, on va, je pense que, je vais voir. On va passer à la troisième. Ouais, ouais. Comme pour l'instant, ça a l'air de bien se passer. Allez, vas-y, répétez la troisième. Allez, on va trouver de nouvelles copines, là, alors, Ah, Nico, tiens. Oui, vas-y. Nico. Ouais, t'as trouvé une nouvelle. Comme tu pars pas, est-ce que tu... Non, si, je pars, moi. Ouais, mais est-ce que tu penses trouver une nouvelle copine en vacances ou pas? Ah, bah oui. Ah bah oui, c'est clair, en plus je vais à côté de Toulon, donc là-bas t'as tous les touristes, quoi, j'ai de la famille qui habite là-bas, ils connaissent un tas de gens, donc de toute façon à chaque fois que j'y vais, quoi, j'ai une nouvelle copine, ça c'est sûr. C'est bien de rêver. D'accord. Mais tu peux venir avec moi si tu veux. Non, quoi, c'est bon, je te parle de copine. Ouais, je te parle pas d'un copain, d'accord? Ok. Nico, c'est clair et net, c'est bien, on part. C'est bien le titre de la question, le terme de la question. C'est avez-vous trouvé de nouvelles copines? Hein? Ah bah pas encore. C'est pas des copains. C'est pas des copains, c'est des copines, ok? Oui. On comprend pas. On comprend pas. Les torsons et les serviettes. Eh, t'es naze quoi, Gérard? Ok. J'ai dit que j'allais voir des femmes sur la côte. Ok. Mais t'as compris? Anthony. Anthony. J'ai pas suivi l'histoire des serpillères et des torchons, excuse-moi. Non mais attends, tu réponds à la question ou si tu comprends pas la question, tu restes chez toi. Ah d'accord, si je veux faire. Mais je t'ai dit que je partais pas en vacances, je travaillais parce que je m'aidais. Ouais mais dans ton boulot tu rencontres quand même des copines. Ouais quand même un petit peu mais bon. Bon ok. D'accord. T'as tout compris sur. Mais tu me poses une question sur les vacances, je pars pas en vacances. Mais alors? Donc moi je mais dans ces cas-là, pourquoi tu t'appelles pour réagir sur le débat des vacances? Contre. Alors il y en a qui sont pour les vacances et d'autres pour le travail. Non. Le thème c'est le truc des vacances. C'est un peu vague le truc des vacances quand même. Ouais mais c'est un peu vague, c'est pas dans ces cas-là. Ouais mais Gérard, les vacances en général, même si on part pas. Ouais mais de toute manière, il y a ceux qui partent et ceux qui partent pas, d'accord? Et ben alors, bah voilà. Bon alors maintenant... Moi je pense rencontrer beaucoup de filles sur la plage là, dans mon taf, voilà. D'accord, t'as raison. La Panama Beach. Ouais, voilà. Albert. Ça, tout le monde est content. Albert. Ouais. Réveille-toi un peu, hein. Ouais, non, bah j'ai... Le Chabert. Ouais, voilà, c'est mon bébé qui va te faire des meufs. Ça commence à dormir, hein. Alors, bah ouais, mais non, mais le problème, c'est que c'est toujours pareil. En vacances, si on rencontre des meufs qui ressemblent à des certaines filles, comme Christine ou Carole, c'est clair que ça...